Chapitre 62e. L'appartement de la rue Plâtrière. Jean examinait la jeune fille depuis quelques instants à peine, quand le vicomte Jean, montant les escaliers 4 à 4 comme un clerc de procureur, apparut sur le seuil de l'appartement de la prétendue veuve. « Eh bien » demanda-t-il. « C'est toi, Jean ? En vérité, tu m'as fait peur. Qu'en dis-tu ? Je dis que je serai admirablement ici pour tout voir. Malheureusement, je ne pourrai pas tout entendre. Ah, ma foi, tu demandes trop. À propos, une autre nouvelle. Laquelle ? Merveilleuse. Bah, incomparable. » Que cet homme est assassinant avec ses exclamations. Le philosophe. Eh bien quoi, le philosophe ? On a beau dire. À tout événement, le sage est préparé. Je suis un sage, eh bien, je n'étais pas préparé à celui-là. Je vous demande un peu s'il achèvera. Est-ce cette fille qui vous gêne ? Passez dans la chambre voisine en ce cas, mademoiselle Sylvie. Oh, ce n'est pas la peine, et cette belle enfant n'est pas de trop. Au contraire, reste, Sylvie, reste. » Et le vicomte caressa du doigt le menton de la belle fille, dont le sourcil se fronçait déjà à l'idée qu'on allait dire une chose qu'elle n'entendrait pas. « Qu'elle reste donc, mais parlez. Eh, je ne fais pas autre chose depuis que je suis ici. Pour ne rien dire, taisez-vous alors et laissez-moi regarder, cela vaut mieux. Calmons-nous. Je passais donc, comme je disais, devant la fontaine. Justement, vous ne disiez pas un mot de cela. Bon, voilà que vous m'interrompez. Non. Je passais donc devant la fontaine et je marchandais quelques vieux meubles pour cet affreux logement, quand tout à coup je sens un jet d'eau qui éclabousse mes bas. Comme c'est intéressant tout cela. Mais attendez donc, vous êtes trop pressée, ma chère. Je regarde et vois, devinez quoi, je vous le donne en sang. Allez donc. Je vois un jeune monsieur obstruant avec un morceau de pain le robinet de la fontaine et produisant, grâce à l'obstacle qu'il opposait à l'eau, cette extravasion et ce rejaillissement. C'est étonnant comme ce que vous me racontez là m'intéresse, dis-je en haussant les épaules. « Attendez donc !» J'avais juré très fort en me sentant éclaboussé. L'homme au pain trempé se retourne et je vois. « Vous voyez ? Mon philosophe, ou plutôt notre philosophe. Qui cela ? Gilbert ? En personne, tête nue, veste ouverte, bas mal tiré, souliers sans boucle, en négligé galant, enfin. Gilbert ? Et qu'a-t-il dit ? Je le reconnais, il me reconnaît, je m'avance, il recule, j'étends le bras, il ouvre les jambes, et le voilà courant comme un lévrier parmi les voitures, les porteurs d'eau. Vous l'avez perdu de vue? Je le crois par Dieu bien. Vous ne supposez point que je me sois mis à courir aussi, n'est-ce pas? C'est vrai, mon Dieu. C'était impossible, je comprends, mais le voilà perdu. Ah, quel malheur! Laissa échapper mademoiselle Sylvie. Oui, certes, dit Jean. Je suis son débiteur d'une bonne ration d'étrivière, et si j'eusse mis la main sur son collet râpé, il n'eût rien perdu pour attendre, je vous jure. Mais il devinait mes bonnes intentions à son égard, il a joué des jambes. N'importe, le voilà dans Paris, c'est l'essentiel. Et à Paris, pour peu qu'on ne soit pas trop mal avec le lieutenant de police, on trouve tout ce qu'on cherche. Il nous le faut. Et quand nous l'aurons, nous le ferons jeûner. On l'enfermera, dit mademoiselle Sylvie. Seulement cette fois, il faudra choisir un endroit sûr. Et Sylvie lui portera dans cet endroit sûr son pain et son eau, n'est-ce pas Sylvie ? Dit le vicomte. Mon frère, ne rions pas, dit Jean. « Ce garçon-là a vu l'affaire des chevaux de poste. S'il avait des motifs de vous en vouloir, il pourrait être à craindre. » « Aussi, reprit Jean, suis-je convenu avec moi-même, tout en montant ton escalier, d'aller trouver M. de Sartine et de lui raconter ma trouvaille. » M. de Sartine me répondra qu'un homme nu-tête, bas défait, soulier dénoué, trempant son pain à une fontaine, habite bien près de l'endroit où on le rencontre ainsi fagoté. Et alors il s'engagera à nous le retrouver. Que peut-il faire ici sans argent ? Des commissions. Lui, un philosophe de cette sauvage espèce, allons donc. Il aura trouvé, dit Sylvie, quelque vieille dévote, sa parente, qui lui abandonne les croûtes trop vieilles pour son carlin. Assez, assez. Mets-tu le linge dans cette vieille armoire, Sylvie, et vous, mon frère, à notre observatoire. Il s'approcha en effet de la fenêtre avec de grandes précautions. André quitta sa broderie, elle étendit nonchalamment ses jambes sur un fauteuil, puis allongea la main vers un livre placé sur une chaise à sa portée, l'ouvrit, et commença une lecture que les spectateurs jugèrent être des plus attachantes, car la jeune fille demeura immobile du moment qu'elle eut commencé. « Oh, la studieuse personne !» dit mademoiselle Chon. « Que lit-elle là ?»« Premier meuble indispensable !» répondit le vicomte, en tirant de sa poche une lunette qu'il allongea et braqua sur André en l'appuyant pour la fixer à l'angle de la fenêtre. « Eh bien, voyons, est-elle vraiment belle, cette créature ?» demanda-t-elle au vicomte. « Admirable, c'est une fille parfaite. Quels bras, quelles mains, quels yeux ! Des lèvres à damner Saint-Antoine, des pieds Oh, les pieds divins et la cheville, quelle cheville sous ce bas de soie! Allons bon, devenez-en amoureux maintenant, il ne nous manquerait plus que cela, dit Chon avec humeur. Eh bien, après, cela ne serait pas déjà si mal joué, surtout si elle voulait m'aimer un peu à son tour, cela rassurait un peu notre pauvre comtesse. Voyons, passez-moi cette lorgnette et trêve de balivernes, si c'est possible. Oui, vraiment, elle est belle, cette fille. Et il est impossible qu'elle n'ait pas un amant. Elle ne lit pas. Voyez, le livre va lui tomber des mains. Il glisse. Le voilà qui dégringole. Tenez. Quand je vous le disais, Jean, elle ne lit pas, elle rêve. Ou elle dort. Les yeux ouverts. De beaux yeux, sur ma foi. En tout cas, dit Jean, si elle a un amant, nous le verrons bien d'ici. Oui, s'il vient le jour, mais s'il vient la nuit. Diable, je n'y songeais pas. Et c'est cependant la première chose à laquelle j'eusse dû songer. Cela prouve à quel point je suis naïf. Oui, naïf comme un procureur. C'est bon, me voilà prévenu, j'inventerai quelque chose. Mais que cette lunette est bonne, dit Chon. Je lirai presque dans le livre. Lisez, et dites-moi le titre. Je devinerai peut-être quelque chose d'après le livre. Chon s'avança avec curiosité, mais elle se recula plus vite encore qu'elle ne s'était avancée. Eh bien, qu'est-il donc? Demanda le vicomte. Chon lui saisit le bras. Regardez avec précaution, mon frère, dit-elle. Regardez donc quelle est la personne qui se penche hors de cette lucarne à gauche. Prenez garde d'être vue. Oh oh, s'écria sourdement du Barry, c'est mon trempeur de croûte. Dieu me pardonne. Il va se jeter en bas. Non pas, il est cramponné à la gouttière. Mais que regarde-t-il donc avec ses yeux ardents, avec cette ivresse sauvage? Il guette. Le vicomte se frappa le front. J'y suis, s'écria-t-il. Quoi? Il guette la petite, pardieu, mademoiselle de Tavernet. Eh oui, voilà l'amoureux du pigeonnier. Elle vient à Paris, il accourt. Elle se loge rue Coquéron, il se sauve de chez nous pour aller demeurer rue Patrière. Il la regarde et elle rêve. Sur ma foi, c'est la vérité, dit Chon. Voyez donc ce regard, cette fixité, ce feu livide de ses yeux. Il est amoureux et en perd de la tête. Ma sœur, dit Chon, nous ne nous donnons plus la peine de guetter l'amoureuse. L'amoureux fera notre besogne. Pour son compte, oui. Non pas pour le nôtre. Maintenant, laissez-moi passer, que j'aille un peu voir ce cher Sartine. Pardieu, nous avons de la chance. Mais prenez garde, Chon, que le philosophe ne vous voit. Vous savez, s'il décampe vite.